chouette, un copain smartphone. Toi aussi, t'as remplacé? Ouais, il me trouvait trop lent. Emoji escargot. Lol. Mais on va rester longtemps au fond de ce tiroir? Ouais, je sais pas, moi ça fait des années. Je suis vieux, tu sais, j'ai même pas la 3G. Emoji grand-père, essaye de sonner, ça les fera peut-être venir. Ne gardez pas les mobiles et smartphones que vous n'utilisez plus. Faites un geste solidaire et environnemental en les donnant sur jedonnemontéléphone.fr. Service opéré par Écosystème, entreprise à but non lucratif. Écosystème, recycler, c'est protéger. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un affolement médiatique autour d'un nom et d'un visage devenu l'illustration de la propagation du sida en Amérique du Nord, Gaëtan Dugas, un Canadien catalogué à tort comme le patient zéro. C'est le début d'une tragédie que personne au départ ne comprend. Puis, au fil du temps, les dizaines de milliers de morts, d'abord invisibles, laissent place à d'importants jeux d'influence médicaux et financiers. Au début des années 80, le VIH n'est pas encore identifié, encore moins nommé. L'incertitude, couplée à sa contagiosité, déstabilise les médecins, stigmatise les patients et freine brutalement l'élan d'insouciance et de liberté sexuelle revendiquée par une génération d'homosexuels. L'énigme médicale tarde aussi à devenir un enjeu médiatique. Les interrogations s'accumulent, les zones d'ombre alimentent les préjugés et les hypothèses abondent pour comprendre comment, quand et où la maladie a débuté, mais surtout avec qui. Et c'est là qu'intervient la notion de patient zéro. En épidémiologie, personne ne l'utilisait, l'expression née avec ce virus. Mais dans l'opinion publique, Dugas devient bien plus que le premier cas documenté de l'origine d'une maladie. Il est conspué, désigné comme le responsable de la dissémination du sida. Rien que ça. Notre invité aujourd'hui, Michel Borrelli, pharmacien de profession, ancien directeur de l'association AIDE et co-auteur du livre « Une histoire de la lutte contre le sida » paru en 2021. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Judith Chétry, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Le 15 novembre 1987, plus de 20 millions d'Américains sont devant leur télé. C'est un dimanche soir et le programme phare de la fin de week-end, c'est 60 minutes, le très sérieux magazine d'information de la chaîne CBS. Ce soir-là, le visage d'un homme à la chevelure blonde s'affiche en grand derrière le présentateur. Celui-ci lance un reportage d'une quinzaine de minutes sur « Le patient zéro ». Un sujet qui fait suite à la publication le mois précédent d'un livre de journaliste américain Randy Shields, jamais traduit en français, « And the band played on ». Il est invité de l'émission. À la cinquième minute, le nom de Gaëtan Dugas est prononcé. Cet homme serait à l'épicentre de l'épidémie du sida qui a déjà causé la mort de 27 000 Américains. Avec cette révélation, le livre est bien parti pour être un best-seller. Avec Gaëtan, vous vous retrouvez face à une horrible combinaison de circonstances. Vous avez un gars qui a une endurance sexuelle illimitée, qui est très séduisant, donc il a plein d'occasions de satisfaire son appétit, et il est steward pour Air Canada, donc il voyage facilement partout et peut s'amuser dans plein de villes. Donc vous comprenez pourquoi c'est une effroyable combinaison de facteurs qui ont aidé à propager cette maladie dans chaque coin de l'Amérique. Au milieu du reportage, le présentateur se montre devant une maison en bord de mer à Fire Island, une station balnéaire à l'est de New York, destination prisée par la communauté gay. Il y indique que 14 personnes s'y sont retrouvées un été, fin des années 70, début des années 80, sans donner l'année précise. Puis, il précise qu'au moins deux personnes présentes ont eu des relations sexuelles avec Gaëtan Dugas et qu'à ce jour, 10 des 14 personnes sont mortes du sida. Parmi les 4 restantes, l'un a le virus mais n'a pas développé de symptômes, les 3 autres n'ont pas été testés. Peut-être qu'ils ne veulent pas savoir, glisse le présentateur. L'émission connaît un grand retentissement. Patient zéro, l'expression générique a le mérite de la clarté et de la facilité d'emploi. La résonance est immédiate. On a trouvé un super contaminateur, l'homme qui serait à l'origine de l'épidémie en Amérique du Nord. Et le porteur de ce message, Randy Shields, est un journaliste crédible. Depuis 1981, il a été embauché par le journal San Francisco Chronicle pour écrire sur la communauté homosexuelle, notamment les sujets de santé. Son carnet de contact s'étoffe rapidement. Peu de journalistes couvrent l'épidémie à ses débuts avec une telle régularité. Pourtant, ses articles ne font pas l'unanimité. On le trouve rabat-joie. Prenez la prudence, à cette époque, peut passer en effet pour une tentative de remettre les gays au placard. Lui-même homosexuel, il a déjà écrit un livre sur l'élu et militant Harvey Milk, assassiné le 27 novembre 1978 à San Francisco. C'était un homme politique et militant américain pour le droit des homosexuels. Il était le premier élu ouvertement homosexuel de l'histoire de la Californie. Cette fois, le journaliste s'attaque en 630 pages aux jeux d'influence néfastes et aux défis qui ont accompagné l'émergence de l'épidémie. L'écriture est incisive, palpitante. Et comme dans un polar, il y a les héros et les méchants. Même s'il n'occupe qu'une partie mineure du livre, Gaëtan Dugas est décrit comme l'un de ces derniers, les méchants. La lessiveuse médiatique fait le reste. 6 ans après la première alerte sur ce mal alors inconnu, l'Amérique regarde avec effroi dans le rétroviseur. Septembre 1980, à San Francisco, le docteur Joel Weissman reçoit en consultation de jeunes hommes qui se plaignent de symptômes inquiétants. Une forte fièvre et un amaigrissement général suivi de graves difficultés respiratoires. La mort survient rapidement. Les examens révèlent une pneumonie très rare, la pneumocystose. Cette maladie ne frappe en général que les patients sous immunodépresseurs comme les greffés. Alors pourquoi soudainement une maladie aussi rare touche-t-elle de jeunes hommes en parfaite santé ? Les services fédéraux américains sont alertés par la prescription inhabituelle du médicament qui soigne la pneumocystose, la pentamidine. En 12 ans, ce médicament n'a été prescrit que 2 fois sur tout le territoire américain. Cette fois-ci, on enregistre en quelques mois 9 prescriptions pour la seule ville de San Francisco. Au CDC, le Center for Disease Control, l'organisme fédéral chargé de surveiller l'apparition de maladies infectieuses, une technicienne de laboratoire remarque également des prescriptions plus importantes de ce traitement à New York. Ce médicament est tellement rare que les médecins doivent en aviser l'autorité avant de prescrire. Sur la côte ouest, 3 hôpitaux communiquent des informations sur 5 malades d'une 30aine d'années également décédés de cette infection pulmonaire. Le 5 juin 81, le même CDC s'en fait l'écho dans son bulletin hebdomadaire, un texte de référence pour tous les spécialistes des maladies transmissibles dans le monde. C'est du lourd, écrit l'épidémiologiste James Curran, qui décide d'en pousser la publication. Une première annonce officielle et 2 détails retiennent déjà l'attention. Les 5 hommes sont homosexuels et ont inhalé des drogues. Les recoupements vont s'enchaîner, les mauvais pressentiments également. 1 mois plus tard, le bulletin indique en effet que 26 jeunes gays, principalement à New York, sont atteints d'une forme rare de cancer de la peau. En moins de 18 mois, des tumeurs violacées sont détectées sur les corps de plus de 200 patients. Le sarcome de Kaposi, tel est le terme savant d'une forme de cancer qui s'était déjà manifestée en Afrique et qui frappe maintenant en Occident. Une particularité, elle n'atteint que les homosexuels mâles, surtout ceux qui utilisent des excitants chimiques. C'est aux États-Unis et surtout à New York, où la communauté homosexuelle est importante, que le mal se propage. Le style de vie des gays implique une sexualité plus intense. Les rencontres sont plus faciles, plus nombreuses, les expériences multiples. Mais, depuis quelque temps, un étrange problème vient d'apparaître dans la société gay des grandes villes américaines. Le développement d'un cancer rarissime, le sarcome de Kaposi. Alors qu'il était pratiquement inconnu aux États-Unis, on vient d'en dénombrer 220 cas, dont 91 mortels, essentiellement dans la communauté gay. Les médecins sont à la fois inquiets et passionnés. Ils savent en effet que s'ils arrivent à comprendre pourquoi ce cancer prolifère subitement et massivement chez les gays, ils apprendront quelque chose de fondamental sur la véritable nature de la maladie. La fulgurance de ces morts intrigue, car ces jeunes hommes sont jeunes précisément et en bonne santé. Pourtant, leur système immunitaire s'est effondré en quelques mois. À Atlanta, où se trouve le siège du CDC, une équipe spéciale se met en place pour collecter le plus d'informations sur ce que l'on désigne alors scandaleusement comme le cancer gay. Mais en 1982, des cas surviennent aussi parmi des hémophiles qui bénéficient de transfusions sanguines. La maladie est nommée par un biologiste américain syndrome d'immunodéficience acquise. Autrement dit, le malade se retrouve sans défense, sans immunité contre de nombreuses pathologies, l'enfer. En France, comme aux États-Unis, des équipes de recherche tâtonnent pour identifier ce virus à partir de prélèvements effectués sur des patients. Enfin, le 4 janvier 1983, le virus du sida est identifié. Le professeur Luc Montagnier de l'Institut Pasteur écrit le mot « enfin » sur son cahier de recherche. Le virus Pasteur est baptisé LAV en avril 1983. Son brevet international n'est pas encore reconnu aux États-Unis. Car au même moment, près de Washington, à l'Institut National de la Santé, un Américain, le professeur Robert Gallo, travaille lui aussi sur la même famille de virus. Mais ce n'est qu'un an plus tard, en 1984, qu'il identifiera à son tour le sida sous le nom d'HTLV3. Son brevet est universel. Le virus est identifié en 83 donc, mais le diagnostic et l'évolution de la maladie restent inconnus. Dans la presse, le sida clive. Les chercheurs se disputent la propriété de la découverte. On ne parle pas tant des vies fauchées que de la méfiance envers les catégories perçues plus à risque et donc stigmatisées. Les 4 H pour homosexuel, héroïnomane, hémophile et haïtien. Et VIH donc. Aucun test fiable à grande échelle n'existe encore. Être dépisté est un point de bascule vers le rejet, l'isolement et l'urgence d'une mort qui paraît inéluctable. Cet homme qui marche, vous ne verrez pas son visage. Malade, il vient en traitement à l'hôpital Claude Bernard. Sa maladie, le sida. Aujourd'hui, tout le monde parle du sida, mais lui, comment le vit-il? Et quand vous avez été sûr du diagnostic? Oui. Comment vous avez réagi en vous-même? La panique. Mes parents, mes amis ont su que j'avais le sida très rapidement. Et même ma propre mère n'a pas osé me toucher pendant, ni m'embrasser, pendant 3 semaines. 3 semaines et moi. Personne, ni mon ami. Mon ami me touchait du bout du doigt comme ça sur le front, voir bonhomme. Et un jour, une amie, enfin, quelqu'un que je n'appréciais jusqu'ici pas énormément, est venue me voir gentiment. Elle est venue directement vers moi m'embrasser. Je suis sûr que tous les autres qui étaient là avaient honte. Oui, alors justement, qu'est-ce que vous pensez de l'information qu'on donne aujourd'hui sur le sida? En tant que malade, je trouve ça monstrueux. Heureusement, maintenant, il y a quelques personnes qui le dédramatisent un petit peu. Heureusement, pour les malades eux-mêmes et l'entourage. Mais en tant que malade, vraiment, je me répète, c'est monstrueux. La personne atteinte n'existe plus. Face à l'impuissance des médecins, d'autres professionnels refusent d'ausculter, de soigner ou même d'enterrer ces hommes devenus pestiférés. Car c'est l'époque des présuppositions et toutes les pistes sont envisagées. La consommation de poppers, ces drogues inhalées pour augmenter le plaisir. L'injection de drogue par le sang, un agent infectieux transmis par les sécrétions génitales lors de relations sexuelles. Bref, la mort viendrait par le sexe. Le plaisir est voué aux gémonies, surtout s'il est homosexuel. Une sorte de jugement dernier dans l'esprit de tous les intolérants du monde, ça fait du monde. Alors que le traitement médiatique de l'épidémie devient plus important, comment alerter, conseiller et prendre en charge ces patients sans tout confondre, le danger, la morale, les pratiques sexuelles qui relèvent de l'intimité? En France, l'immunologiste Jacques Lebovitch se sent démuni. En juillet 82, c'est imparable, c'est forcément un virus. Pourquoi? Parce que ça se transmet par le sang. À partir de ce moment-là, aïe aïe aïe, c'est un virus qui se transmet comme l'hépatite B. Et alors on a vu toutes les scènes, en effet, de proximité physique des uns aux autres. Alors c'est pas gros, mais on se dit, ouille, là c'est grave, il faut se calmer là. Pour ceux qui font le transatlantique, pour ceux qui vont partout, moratoire sur le sexe. Voilà. Moratoire. Moratoire sur les fêtes, moratoire sur tout. Faut faire les moines pendant quelques temps avant de comprendre ce qui se passe. Un message difficile à entendre. Après une décennie de lutte et de répression dans les années 70, la période est plutôt à la proclamation du plaisir et des droits de chacun à une sexualité libre. Comme si, résument des militants, à peine découvertes, expérimentées, visibles, c'était déjà le début de la fin de l'euphorie générée par la libération homosexuelle. Jusqu'au début, quand même, on était nombreux à penser que tout ça, c'était une sorte de machination de la droite américaine pour nous empêcher de baiser, hein. Ce qui montre bien que les PD, il a vraiment fallu que ça leur arrive pour qu'ils le comprennent, et j'en fais partie des premiers. On s'était tellement battu pour que le désir puisse s'épanouir que cette information qui était donnée que ce désir-là nous menait à la mort était une sorte de négation de tous les combats que nous avons menés à ce moment-là. Et puis, il ne faut tout de même pas oublier que, comme par hasard, c'était la maladie qui frappait les homosexuels et les toxicomanes, donc des gens qui étaient déjà, tu vois, complètement rejetés, ostracisés, etc. Tu ne pouvais pas non plus t'empêcher de te dire « ça tombe tout de même à point nommé ». Aux États-Unis, les agents du CDC se transforment en enquêteurs, bien conscients que chacun de leurs résultats, chacune de leurs déclarations pourrait être surinterprétée, tant l'ignorance entretient la panique. Alors le langage change, comme si la santé publique devenait une affaire de suspects, de filières de contamination à remonter. Un chercheur, William Barrow, part pour Los Angeles. Parmi 19 patients préalablement identifiés, il sait que certains d'entre eux ont été amants. À la différence des autres microbiologistes et infectiologues du centre, lui est sociologue. Et il se charge de poser des questions sur la vie sociale et sexuelle des patients pour mieux décrypter la propagation de la maladie. La première personne que nous voyons est un steward et il nous dit: vous savez, l'un de mes partenaires sexuels a été ce très séduisant steward de la compagnie Air Canada. Un beau gars, très sympathique aussi, et j'ai couché avec lui. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur lui? Eh bien, il avait une sorte d'accent, mais je me souviens plus de son nom. Dans l'après-midi, nous parlons à une seconde personne, et l'histoire est similaire. On se rend ensuite dans le comté d'Orange pour interviewer une troisième personne. On commençait à s'habituer à demander les noms de tous leurs partenaires sexuels, et voici qu'il y a encore ce même steward québécois. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Ouais, vous savez, je crois que j'ai sa carte ou peut-être que j'ai écrit ses coordonnées dans mon carnet d'adresses. Je vais voir si je peux vous retrouver ça. La carte de visite qui lui est remise est celle d'un certain Gaëtan Dugas, un trentenaire qui travaille pour la compagnie Air Canada depuis 1974 et qui se rend souvent à New York et à San Francisco. Il fréquente les lieux gais des villes dans lesquels il est de passage, et son accent français marque certains de ses amants. Quand le chercheur William Darrow le contacte, il apprend que lui aussi est également atteint du sarcome de Kaposi, pour lequel il se fait déjà soigner par intermittence à New York. 2 ans plus tôt, Gaëtan Dugas avait commencé par avoir de la fièvre et un gonflement des ganglions lymphatiques. Le fait qu'il soit encore en vie, même affaibli, étonne déjà William Darrow. Quand je suis allé interroger le patient qui vivait en dehors de la Californie, j'ai été très impressionné. Il avait l'air d'être intelligent, il était très bien habillé. À ce moment-là, il avait perdu ses cheveux car il venait de terminer des séances de chimiothérapie, mais il était très préoccupé par son état et aussi par celui d'autres personnes. Parce que beaucoup de ses amis à New York et même au Canada présentaient des symptômes très similaires aux siens. Certains malades étaient même déjà décédés. Et c'est là que je lui ai demandé « Combien de partenaires sexuels vous avez eu ?» Et il m'a dit « Je peux me souvenir de certains, mais wow, j'en ai tellement eu, et j'espère que vous comprenez pourquoi. Je dors dans une ville différente chaque nuit, je suis jeune, j'aime sortir, m'amuser. » Il estimait qu'il en avait 250 par an. L'homme se montre particulièrement coopératif. Il va chercher son carnet d'adresses et prononce à voix haute tous les noms de ses partenaires. La liste continue, mais il s'arrête à 72 noms car il doit partir à son travail. Quelque temps après, il vient à Atlanta pour effectuer des prises de sang et les remettre au CDC. William Darrow poursuit ses recherches. Le nom de Gaëtan Dugas revient dans la bouche de 6 autres malades à New York, Chicago et Miami. Afin de remonter la chaîne de contamination, Darrow établit plusieurs schémas. Les individus sont anonymisés, identifiés et numérotés à partir de leur ville de résidence. Gaëtan Dugas, vivant en dehors de Californie, devient le patient 57, puis le patient 0 pour Out of California. 40 des 248 Américains diagnostiqués avant avril 82 lui sont reliés directement ou par des personnes interposées. parce qu'il est au centre du schéma, parce qu'il a une meilleure mémoire de ses partenaires, parce qu'il est prêt à parler, Dugas semble être le premier vecteur de contamination. C'est ce que le graphique montre, en tout cas. Mais le diagramme ne repose que sur les cas de patients contaminés qui ont développé des symptômes. En interne, pourtant, d'autres chercheurs commencent aussi à associer par raccourci Gaëtan Dugas au patient zéro, de par sa position centrale dans le cluster. Mais ce n'était ni l'intention ni la conclusion de William Darrow. Dugas n'en saura rien. Le même mois où les résultats de cette étude sont publiés dans le journal américain de la médecine, en mars 84, il meurt d'une insuffisance rénale à l'âge de 31 ans à l'Hôtel Dieu, un hôpital de la ville de Québec, où vit sa famille. Pour accréditer le caractère sexuellement transmissible du VIH, la communauté scientifique s'appuie sur cette étude de Darrow. En 85, un premier test de dépistage est enfin disponible. Et une première conférence internationale réunit environ 2000 personnes à Atlanta. Mais pour de nombreux professionnels de la santé, tout cela ne va pas assez vite. La mesure de la gravité de l'épidémie est tardive. Il faut s'imaginer tout de même que le président des États-Unis, Ronald Reagan, a entendu cette année-là pour prononcer, et pour la première fois, le mot sida. Même pas dans un discours officiel, non, mais en répondant à la question d'un journaliste. Les voix des militants portent moins que les prêches d'une Amérique conservatrice, indifférente et suspicieuse. Comme celui du prêtre James Robinson, au Texas, traduit et diffusé dans un journal de 20 heures de France 2, il parle d'un fléau. C'est un fléau, une maladie qui affecte la communauté homosexuelle et elle contamine maintenant la communauté hétérosexuelle, les enfants et les bébés. Autre exemple, ce commentaire d'un autre pasteur au cours d'une émission de radio très populaire est toujours sur le même sujet. Beaucoup d'homosexuels sont dans la restauration. Qu'est-ce qui nous prouve qu'en touchant la nourriture, ils ne transmettent pas la maladie à leurs clients? C'est cette accumulation de condamnations morales, de fantasmes, de lenteurs administratives et d'inactions politiques qui pousse le journaliste Randy Shields à commencer l'écriture d'un livre en 1985. And the band played on. Et l'orchestre continua de jouer, dit le titre. Comme sur le Titanic, où les musiciens ne se sont pas arrêtés alors que le paquebot coulait. Enfin, disait-on. L'écrivain demande des comptes. C'est un pavé jeté dans la mare des brevets et compétitions pharmaceutiques. Une compétition âpre entre les équipes de recherche françaises et américaines. Le journaliste s'attaque aussi au déni d'une partie de la communauté gay qui cherche à préserver son mode de vie. Mais ce n'est pas ce prisme qui va assurer le retentissement de son livre. À ce moment-là, Randy Shields ne connaît pas le nom de Gaëtan Dugas. C'est une histoire parmi tant d'autres. Il a lu l'étude des épidémiologistes, parfois entendu lors d'entretiens la mention d'un patient zéro, mais ses premiers contacts ne veulent pas lui révéler son identité. Alors, le journaliste rembobine, remonte le fil. Il procède surtout par rapprochement intuitif. Et si c'était lui, Degas, l'homme malade qu'une épidémiologiste et employé de la municipalité de San Francisco avait tenté de faire interdire d'accès aux saunas gays du quartier de Castro? Des entretiens avec des responsables associatifs à San Francisco et New York mettent également Shields sur cette piste. Un autre voyage à Vancouver le fait rencontrer certains de ses anciens amis et petits copains. À condition de l'anonymiser, ils lui décrivent ses conquêtes, son goût de la fête, son refus de l'abstinence, mais aussi sa soif de connaissance sur le mal qu'il ronge. Mais parce que les chiffres exponentiels ne suffisent plus, Shields veut des noms et des histoires singulières pour maximiser l'écho. Au fil des 600 pages du livre, Dugas n'est évoqué qu'une trentaine de fois. Pourtant, les médias les plus importants ne sont pas intéressés par le livre qu'ils voient d'abord comme un brûlot politique contre l'administration républicaine. D'ailleurs, son éditeur, Michael Denneny, craint le flop. J'ai paniqué. J'ai appelé un ancien petit ami qui travaille dans la publicité. Je lui ai dit, « John, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin que tu passes ton week-end à lire ce manuscrit. » Il m'a rappelé le lundi avec la suggestion suivante que j'ai trouvée extraordinairement pertinente. L'orchestre continua de jouer l'histoire du patient zéro. Et il m'a dit, tu sors ces extraits-là, tu les arranges ensemble et tu envoies ça au New York Post, un quotidien piteusement homophobe. Cette histoire rassemble tout ce qu'ils veulent. Ça parle de beauté, de mort, et la cerise sur le gâteau, c'est un étranger. L'éditeur convainc Randy Shields, qui pourtant apprécie peu ce type de journalisme tapageur et craint surtout que cela n'empiète sur le reste de ses révélations. Mais il finit par céder. Le publicitaire a vu juste. Le 6 octobre 87, l'homme qui nous a donné le sida fait la une du journal. Pour la National Review, il est le Christophe Colomb du VIH. Ce n'est plus seulement le portrait d'un amant négligent, mais d'un individu qui, bien qu'au fait des risques, n'aurait pas agi de manière responsable et aurait délibérément caché son virus à ses partenaires sexuels. Le livre devient un best-seller. 250 000 exemplaires sont vendus, les droits du bouquin achetés pour une adaptation téléfilm par HBO, Les Soldats de l'Espérance. La tournée de promotion amplifie autant les raccourcis que les reprises médiatiques. Comme lorsque cet ancien médecin de la ville de San Francisco se rappelle devant la caméra un rendez-vous avec Gaëtan Dugas en novembre 82. Je lui ai dit que j'avais eu des personnes qui m'avaient raconté l'avoir vu dans les bains publics, en train de s'y comporter lâchement et de dire au gars « Ah, maintenant, tu vas l'avoir toi aussi. » Vous lui avez parlé ? Oui, je lui ai parlé. Vous lui avez demandé d'arrêter ses bêtises ? Je lui ai dit qu'il rendait d'autres personnes malades. Et il m'a dit « C'est mon droit de faire ce que je veux. Ce sont mes droits civiques. Je fais ce qui me plaît. J'ai ce virus. Pourquoi ne devrait-il pas l'avoir aussi ?» Je lui ai dit « Tu peux te tuer si tu veux, mais tu n'as pas le droit de faire du mal à d'autres. » Il m'a dit « Va te faire voir » et il est parti. Les proches de Gaëtan Dugas sont bouleversés par l'apparition de ce livre. Certaines de leurs anecdotes ont été transformées. Ils reprochent aux journalistes un manque de recul et un ton moralisateur et méprisant à l'égard de leur ami. Cela donne aussi du grain à moudre à un autre débat de l'époque, la pénalisation de la transmission sexuelle du VIH. L'exemple de Gaëtan Dugas est cité à plusieurs reprises par ceux qui sont pour, des psychiatres le décrivent comme un sociopathe. La riposte des journaux gays de Vancouver, où en effet vécu Dugas en partie, n'a que peu de résonance. Eux mettent l'accent sur l'aide qu'il a apportée à d'autres patients. Il avait par exemple participé à l'une des rares réunions alors organisées sur le sida en mars 83. Cela servait à expliquer l'état des connaissances et à appeler à un début de prévention. Quand il se lève et quand il prend la parole, on entend des doutes et du scepticisme dans sa voix. Si on pense l'avoir ou être susceptible de développer la maladie du sida, si on va chez un docteur, quel type de test on peut lui demander de faire afin de confirmer si on est bel et bien porteur du virus ? Si vous êtes malade et que vous vous rendez chez votre médecin en réclamant un test, il y en a très peu qui peuvent vous le faire passer. Il ne peut pas, à ce jour, vérifier si vous avez été exposé ou infecté par le virus. Ce test n'existe tout simplement pas. Car dans le milieu des années 80, ce que ne raconte pas le livre de Randy Shields, c'est comment, faute de traitement, les malades développent leur propre expertise. Des réseaux d'abord informels se coordonnent, puis des nouvelles associations se mobilisent pour convaincre les autorités de santé de développer des campagnes de prévention plus larges, plus efficaces, notamment sur l'usage du préservatif. Ces campagnes suivent aussi l'évolution de la recherche depuis les premières études du CDC. L'intervalle entre l'infection au VIH et le développement de la maladie peut être notamment bien plus important que les 1 à 2 années qui avaient été initialement décrites. Donc, les relations sexuelles qui avaient été comptabilisées par William Darrow pouvaient très bien avoir eu lieu après une première infection et sans forcément être la cause de l'infection, puisque les patients interrogés avaient tous déjà des symptômes. Mais cette information, qui fait consensus parmi les scientifiques, n'a pas suffi à dissocier le nom de Gaëtan Dugas de l'étiquette patient zéro. Si beaucoup en doutaient ou ne s'en préoccupaient plus dès le début des années 90, il faut attendre le milieu des années 2000, les progrès de la biologie moléculaire et plusieurs séries de travaux pour déconstruire ce mythe. Pas en le remplaçant par un autre patient zéro, mais en confirmant le point de départ très probable de ce virus aux confins du Cameroun et du Congo belge. Dans la revue Nature, les résultats d'une équipe de chercheurs de l'Université d'Arizona aux États-Unis et de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, diffusé en 2016, concerne plus directement Gaëtan Dugas. Comme l'homme avait donné son sang, il a été possible d'étudier cet échantillon en le comparant avec celui d'autres patients qui étaient porteurs du virus à la même époque. L'étude du génome viral de Gaëtan Dugas ne montre ainsi aucune particularité. Il est proche des sources virales qui circulaient alors à Haïti. Sans comprendre à ce jour comment le virus a circulé d'une zone géographique à une autre, explique Eric Delaporte, spécialiste des maladies infectieuses. La difficulté, c'était que c'était des très vieux plasmas avec de l'ARN très dégradé, donc il a fallu faire un ensemble d'amorces, des primers très nombreux pour essayer d'amplifier des morceaux du génome et de reconstituer le génome. Alors une fois qu'on a la séquence, et bien à ce moment-là, on fait tourner des programmes d'analyse moléculaire pour voir où la souche se positionne par rapport à l'ensemble des souches circulantes. Et faut savoir que au niveau de la diversification des virus, la souche nord-américaine est ce qu'on appelle un groupe B, et de ce groupe B on arrive à aller vers l'ancêtre commun à tout ce groupe B, puis après on arrive à l'ancêtre commun du groupe B avec les autres groupes qui circulent dans les autres continents, et puis finalement on arrive à la souche ancestrale qui est passée du singe à l'homme dans les années 1920. Mais ce n'est pas tout. Grâce au séquençage génétique de 8 autres échantillons de sang prélevés à la fin des années 70 sur des patients homosexuels souffrant d'hépatite B à New York et San Francisco, les biologistes démontrent que déjà, entre 3 et 6% d'entre eux étaient infectés par le virus qui circulait donc à New York avant que Gaëtan Dugas n'y mette les pieds pour la première fois en 1974. Il n'a donc pas importé ce virus en Amérique du Nord. Et il n'a pas été le premier à le disséminer de la côte est vers la côte ouest. Cette étude n'avait pas pour ambition de réhabiliter la mémoire de Gaëtan Dugas, mais de confirmer des repères chronologiques dans la propagation du virus. Une histoire qui, en tout cas, nous rappelle à quel point le traitement de cette épidémie continue parfois d'être associé aux soupçons, à la honte, la peur et la culpabilité. battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Sida, le patient zéro dont nous allons parler avec notre invité, le docteur Michel Bourelli. Bonjour. Bonjour. Ingénieur de recherche à l'INSERM, ancien salarié militant de l'association AIDS et co-auteur d'une histoire de la lutte contre le sida. Vous l'avez écrit ce livre avec Olivier Morel, publié en 2021 aux éditions Nouveau Monde. Il faut, je crois, rappeler aux jeunes générations, celles qui sont nées à partir de l'orée des années 90, à quel point les années 80, avec le sida, ont été des années de terreur. Hein. Quand on allait chercher nos tests, même si on se montrait prudent, c'était toujours une terrible épreuve. Ça a été un drame épouvantable au début. Il faut le rappeler, ça. Aujourd'hui, à votre avis, quel est le regard que porte la population, cette population jeune, sur le sida? Je pense qu'à la fois, vous avez raison, il faut le rappeler, même si on ne leur souhaite pas de revivre ce que nous avons vécu lorsque nous avions 20 ans. Une tragédie planétaire qui, à travers la première partie de votre émission, est plutôt vue sous l'angle d'une histoire individuelle qui est presque anecdotique. Car dans les années 80, au début des années 80, en l'absence de tests, tout le monde devait se sentir séropositif lorsqu'on était dans une communauté. Cette communauté des homosexuels, par exemple, ou des usagers de drogue à l'époque, parce que on n'avait pas d'autre moyen que de s'imaginer, en grosso modo, sur un fil possiblement en train de tomber, et d'utiliser ce qu'on disait à l'époque des préservatifs. Même dès l'arrivée des tests en 1985, souvent, sachant qu'il n'y avait pas de traitement, absolument aucun traitement, souvent on disait, ne vous faites pas tester, mais faites comme si vous étiez séropositif et utilisez des préservatifs et utilisez des seringues à usage unique, etc. Donc, mais c'était une véritable peur souvent dans les communautés, même cette peur qui faisait que les personnes n'en parlaient pas et que le moindre geste pouvait devenir un peu un peu suspect. C'est-à-dire que si vous caressiez le cou d'un potentiel camarade de jeu ou de rapport sexuel, il avait parfois la sensation que vous étiez en train de regarder s'il n'y avait pas des ganglions. Donc on était dans un film d'horreur quand même à cette époque-là. Et quand on s'est aperçu que la maladie touchait évidemment les hétérosexuels autant que les homosexuels, ça a changé la donne? Écoutez, ça a changé la donne parce que on en a parlé peut-être plus largement. Ça a aussi changé la donne, c'est qu'on n'en parlait pas forcément de la même façon et aussi bien. C'est-à-dire que on avait un peu grossi les risques globaux de toute la population. Et finalement, en faisant passer sous silence et en minimisant les risques que pouvaient affronter des communautés particulières parce qu'elles étaient plus exposées, parce qu'il y avait plus de virus dans une communauté. Chez les gays, il y avait plus de virus, il y avait plus de personnes contaminées, donc plus de risques de transmission. Et donc, du coup, il fallait à un moment donné, ce qu'ont vécu nos amis américains avec l'absence de prise en charge et surtout de réflexion autour du VIH pendant les premières années, on l'a vécu en France, il a fallu qu'à attendre l'arrivée du gouvernement de Jacques Chirac en 1986 avec Michel Barzac pour qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait la libéralisation de la publicité sur le préservatif, la possibilité d'accéder à des seringues stériles en pharmacie, alors que depuis 1983, et c'est en France qu'on avait découvert, puisque c'est Françoise Barécine aussi qui l'a isolé, le virus était connu, les tests ont été faits en France et c'était en 1985. Malgré ça, il a fallu que les associations qui s'étaient déjà constituées, 1983, vaincre le sida, 84, aide, puissent monter au créneau, agissent pour dire il y a une tragédie, il y a des risques importants, il faut que vous fassiez quelque chose. J'allais vous en parler justement des associations qui sont venues pallier les retards de la force publique. Elles ont été remarquables sur cette thématique du sida, d'une combativité incroyable. Chacun qui constituait ces associations, toutes ces associations, vivaient leur vie. La plupart étaient séropos, beaucoup mouraient au fil des ans et étaient au fil des mois et étaient remplacés par d'autres qui arrivaient. C'était un peu comme sur une guerre où chaque combattant est remplacé par un combattant qui arrive derrière lui. Et c'est cette rage qui était dans le ventre et la tête de chacun qui a fait que ça a pu fonctionner et qu'on a créé un mouvement qui a fait vaciller les forces politiques qui étaient parfois très opposées. On était encore dans une période où le côté réactionnaire de certains politiciens, même si bien sûr il est loin d'être effacé, très très loin, même peut-être en résurgence à l'heure actuelle. Néanmoins, on parlait de sidaïque, on parlait de sidatorium, on parlait de risque d'infection, de transmission à partir du moustique. Tout avait été dit et surtout, à l'époque, on ne parlait pas de fake news comme on a pu en entendre et en parler désormais, entre autres par rapport au Covid. Mais néanmoins, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient eux aussi déjà trouvé un traitement faisait en sorte que disait que ça allait marcher et finalement désespérer toutes les personnes qui vivaient leurs dernières semaines ou leurs dernières heures. Ouais. Michel Bourly, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Chien Noir et Chapelle Belle et on parlera de Gaëtan Dugas. Vous parliez d'aspect anecdotique, évidemment ça va plus loin que ça et on y revient dans 2 minutes et demie. Des pompes, on fait des rails les nuits. On aime les histoires de trains qui tombent. On fait tourner le monde et la lumière surgit. Un trou dans le noir, le temps d'une seconde. Puisque la nuit est belle. Car les yeux grands ouverts dans nos échappes-belles, le feu marche avec nous, le feu marche avec nous. On rêve de longs feux, on rêve de coins ici, mais parfois même la fumée retombe. pas. On fait tourner le monde, on fait dérailler les nuits. On aime les histoires de trains qui tombent, puisque la nuit elle est belle. Qu'on veut rien en perdre, on reste debout, je garde les yeux grands ouverts. Dans nos échappées belles, le feu marche avec nous, puisque la nuit elle est belle. Qu'on veut rien en perdre, on reste debout, je garde les yeux grands ouverts. Échappe belle, le feu marche avec nous. Le feu marche avec nous. Dans nos échappées belles, le feu marche avec nous. France Inter. Affaires sensibles. Michel Bourrelli, l'histoire de Gaëtan Dugas, ce sera, comme on dit, vous avez raison, un fake news aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cette erreur nous raconte de cette époque dans la communication qui est faite autour de la recherche scientifique? Alors, je ne sais pas si c'est la communication autour de la recherche scientifique, mais vous avez très bien expliqué le phénomène qui a été monté en épingle pour faire vendre un bouquin. Sur 630 pages, 30 fois, il est cité. Je pense qu'il y a ce phénomène-là qui est quand même des enjeux financiers d'édition qui ont été mis en avant et que finalement se vend mieux, y compris à la télévision, dans les journaux, de parler de quelqu'un qui commettrait ce genre d'acte plutôt que de parler de la science. La science, la vraie science, elle est souvent taiseuse, elle est laborieuse et elle apporte des résultats. Mais et on l'a vu là aussi récemment, c'est pas en se mettant sur des chaînes YouTube en criant que on a trouvé un traitement qui marche ou qui fonctionne ou qui va guérir tout le monde, que c'est vrai. La vérité, c'est que ça doit être validé par les uns et par les autres. Dans le passé, c'était déjà comme ça. Ce qui s'est passé avec Gaëtan Dugas, c'est simplement qu'un sociologue, et d'où l'importance des sciences sociales et comportementales, est allé voir effectivement qu'il y avait un possible rapport entre les uns et les autres pour voir si c'était un agent infectieux. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on ne savait pas quel était l'agent infectieux. Est-ce que c'était un virus? Comment ça se faisait? Quelle était la transmission? C'est donc dans un intérêt scientifique que ça a été vu et fait et construit et que ça a été détourné. Il y a eu un détournement de la science pour en faire un événement et qui finalement est allé stigmatiser quelqu'un qui était déjà décédé au moment où ça est paru. Alors le sida est une maladie où les patients ont réclamé une plus grande implication dans leur traitement, une plus grande reconnaissance de leur rôle. Est-ce que cela perdure ? Ça perdure de plus en plus et je pense qu'il faut réaffirmer ça. Parce qu'il faut savoir que les malades du sida, les associations de patients ont été du coup à l'origine des lois sur la démocratie sanitaire qui ont été mises en place par Bernard Kouchner au début du 21e siècle. Et que désormais, il faut encore de plus en plus agir et se renforcer pour que justement on ne décide pas à la place des patients et que très souvent il y a deux tendances dans les décisions politiques soit le politique fait tout et ne partage rien, soit il ne fait rien. Eh bien, la côte mal taillée, l'intérêt, c'est d'être un peu au milieu, c'est-à-dire que faire participer les personnes qui sont les plus concernées en interagissant, en constituant des groupes de travail. On a vu que sur le Covid, on a manqué d'échanges avec les personnes et ça a entraîné un certain nombre de constitutions de groupes complotistes, politisés ou non. Et sur le VIH, on a laissé que les associations agir, et heureusement elles sont bien constituées et ont agi, ont permis après aux politiques de se développer, mais il est nécessaire encore plus que jamais que la démocratie sanitaire existe et fasse et soit véritablement à la pointe du combat dans tous les endroits où on peut agir, dans les hôpitaux, auprès des groupes qui décident, auprès des essais thérapeutiques, dans les associations, dans les agences de recherche, pour que effectivement on fasse pas tout et n'importe quoi, et surtout qu'on ne mette pas simplement en avant les intérêts, mais qu'on pense à la santé, véritablement à la santé des patients. Vous pensez qu'on n'a pas retenu les leçons de la gestion du sida avec le Covid ? C'est pas du tout la même maladie, hein, bien sûr, mais dans la méthode. Comparaison n'est pas raison, oui. Donc je vais certainement pas dire ça. Mais dans la méthode, ça, mais on aurait pu mettre un peu de participation. On aurait pu demander à des groupes constitués, déjà constitués, comme on l'a fait maintenant un peu sur Monkeypox, hein, sur la variole du singe. Heureusement, parce que c'était des groupes similaires au VIH qui étaient concernés au départ. Du coup, c'était déjà constitué. Pour le Covid, il y a eu un emballement médiatique qui a complètement aspiré le politique et qui a décidé de prendre des décisions. Et je ne juge pas les décisions, d'ailleurs. Mmh. Je juge simplement que le fait qu'on puisse aussi participer et que ensemble, dans les quartiers, dans les villes, au plus proche des clubs sportifs, on aurait pu parler, par exemple, de la vaccination. On aurait pu expliquer comment ça pouvait être utile. Et ça, on a raté tout ça. Et on a laissé parler des gens qui ne parlaient que pour leur propre intérêt, avec parfois des positionnements qui étaient anti-scientifiques et qui ont fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc la démocratie sanitaire doit venir aussi d'en bas. Absolument. Mmh. Absolument, c'est un échange. C'est qu'à un moment donné, il y a à la fois que les personnes veuillent participer, parce que ça c'est important, bah oui. Et que ce soit pas simplement des strapontins ou des personnes qui sont des marionnettes, mais donc qu'elles soient un peu mises dans un axe politique de réflexion pour autour des maladies. Et c'est d'en haut et d'en bas, et ça se rassemble pour pouvoir construire ensemble un avenir meilleur pour l'hôpital et pour les patients. Et justement, vous parliez de la variole du singe. Est-ce que la façon dont on a géré ça quand on l'a découverte, cette variole, vous rappelle quelque chose ? Ah bien, oui, complètement. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Mais allez plus loin. On est sur du toucher. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est de l'observation. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'un certain nombre de personnes qui ont toutes les mêmes pratiques, qui sont homosexuelles, ont une pathologie qui, fort heureusement, n'est pas aussi grave que le VIH, mais qui est douloureuse et qui est transmissible, avec malheureusement beaucoup plus de modes de transmission que le VIH. Donc, beaucoup plus de difficultés pour en prévenir, mais la nécessité de partager, et c'est ce qui s'est fait sur le terrain avec des groupes constitués, avec des associations qui ont fait auprès des ARS, auprès de la DGS, de la Division Générale de la Santé ou des agences régionales de santé, pour faire en sorte qu'on puisse vacciner, puisqu'on avait un vaccin à disposition, pour qu'effectivement on arrive à ce plateau qu'on a du mal à analyser à l'heure actuelle, mais qui semble donner des signes un peu positifs sur cette épidémie. Mais ce que je voudrais rajouter là-dessus par rapport au passé, c'est que fort heureusement, dans le passé et au moment du sida, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ouais. Parce que si les réseaux sociaux avaient existé, on aurait tous été crucifiés sur des portes. Je reviens au sida. Les multithérapies ont rendu cette maladie apparemment moins dramatique. Est-ce qu'il y a eu un effet pervers ? Est-ce que ça a fait baisser la garde ? Je ne sais pas si on peut parler de baisser la garde. Je crois que c'est qu'il faut surtout rappeler que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'une personne dépistée, positive, qui est traitée et correctement traitée, une fois que sa charge virale, c'est-à-dire le virus circulant dans le sang, est indétectable, il n'y a plus de transmission de la maladie. Il n'y a plus de transmission du virus. Donc ça, c'est quelque chose de capital pour éviter la sérophobie. C'est-à-dire qu'un séropositif n'est pas une bombe virologique comme le décrivaient certains dans le passé, parce qu'ils voulaient jeter la stigmatisation sur tout le monde. Donc ça, c'est vraiment capital de dire ça. Quelqu'un qui est traité maintenant ne transmet pas le VIH. Donc déjà, c'est ça qui peut changer. Bien sûr. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience à partir du moment où on informe, où on continue à informer. Et je pense que le travail n'est pas terminé, le job n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour la lutte contre le sida. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Michel Borrelli. Merci infiniment pour les éclairages que vous nous avez apportés. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Sida, patient zéro, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos, et merci à France Bleu Provence, à Aix en Provence, qui a reçu dans ses studios notre invité aujourd'hui.